ressemble à Hugo ou chaque jour aurait soudé les pare-chocs d'autobus. C'est tous les jours la fête au paradis quand son verre sont flashés par les paparazzi. Maria Carré, tu représentes tout ce que j'ai. Maria Carré, tu ne vaux pas un prix. Maria Carré n'est plus une sale litouche depuis qu'on lui a greffé le cerveau de George Bush. Elle rêve de politique pour cette CIA. Elle se verrait bien faire la guerre aux Chinois. Maria Carré, tu représentes tout ce que j'ai. Maria Carré, tu ne vaux pas un prix. Maria Carré est riche comme un pacha, mais elle est comme toi quand elle monte sur le trône. Elle a juste la lunette, elle pousse et puis voilà, que tu sois riche ou pauvre, là y'a pas mal d'hommes. Maria Carré, tu représentes tout ce que j'ai. Maria Carré, tu ne vaux pas un prix. Maria Carré, tu représentes tout ce que j'ai. Maria Carré, tu ne vaux pas un prix.